Formation du futur simple et du futur proche. Part 2, futur simple, parler conjugation. Je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Example sentences. Je rédigerai. Tu finiras. On finira la discussion demain. Irregular verbs. Venir. Elle viendra. Aller, j'irai. Part 3, futur proche, example sentence. Je vais lire ce document-là demain matin.